Je la tuerai !» répéta froidement le Brésilien. « Ah ça, vous m'avez appelé sauvage! Est-ce que vous croyez que je vais imiter la sottise de vos compatriotes qui vont acheter du poison chez les pharmaciens? J'ai pensé, pendant le temps que vous avez mis à venir chez vous, à ma vengeance, dans le cas où vous auriez raison contre Valérie. L'un de mes nègres porte avec lui le plus sûr des poisons animaux, une terrible maladie qui vaut mieux qu'un poison végétal et qui ne se guérit qu'au Brésil. Je la fis prendre à Cydalise, qui me la donnera. Puis quand la mort sera dans les veines de Crevel et de sa femme, je serai par-delà les Açores avec votre cousine que je ferai guérir et que je prendrai pour femme. Nous autres sauvages, nous avons nos procédés. Cydalise, dit-il en regardant la Normande, et la bête qu'il me faut. Que doit-elle ? 100 000 francs, dit Cydalise. Elle parle peu, mais bien, dit à voix basse Carabine à madame Nourrisson. Je deviens fou ! S'écria d'une voix creuse le Brésilien en retombant sur une causeuse. J'en mourrai, mais je veux voir, car c'est impossible. Un billet lithographié, qui me dit que ce n'est pas l'œuvre d'un faussaire ? Le baron Hulot aimait Valérie, dit-il en se rappelant le discours de Josépha. Mais la preuve qu'il ne l'aimait pas, c'est qu'elle existe. Moi, je ne la laisserai vivante à personne, si elle n'est pas toute à moi. Montès était effrayant à voir et plus effrayant à entendre. Il rugissait, il se tordait, tout ce qu'il touchait était brisé, le bois de palissandre semblait être du verre. « Comme il casse !» dit Carabine en regardant Nourrisson. « Mon petit, » reprit-elle en donnant une tape au Brésilien, « Roland furieux fait très bien dans un poème, mais dans un appartement c'est prosaïque et cher.